Alors, une réponse pour JG en musique. Alors voilà ce que me dit Jigé. Bon, là, je vais faire court et plus concis. Bon, pourquoi? Pourquoi dit-il cela? On peut se poser la question, fondamentalement. Moi, je vais faire comme je ferai. J'ai tendance à penser qu'ici, tu veux paraître une personne gentille, alors que tu es au contraire plutôt méchante. Avec en prime ce nouveau pouvoir audio que tu t'arroges. Ici, on voit que la phrase n'a quasiment aucune cohérence, parce que les thèmes abordés sont d'une importance telle que le fait de les mixer montre une sorte d'aboutissement de la réflexion. Je vais expliquer tout simplement. J'ai tendance à penser qu'ici tu veux paraître une personne gentille, alors que tu es au contraire une personne méchante. Ça, c'est une affirmation donc qui doit être développée. Et comment elle est développée, comment la phrase se finit? Avec en prime ce nouveau pouvoir audio que tu t'arroges. Il n'y a absolument aucun rapport entre le fait de dire qu'une personne est gentille ou méchante et qu'en plus, mais le en plus. Enfin, ce n'est pas. Ça n'a aucune. Vous comprenez, j'espère, hein, que le fait qu'une personne soit gentille ou méchante et qu'ensuite elle ait un nouveau pouvoir audio sous-entendait au minimum, si on souhaitait une sorte de cohérence, et donc dire quelque chose et pas faire une phrase avec une moitié de choses dites et une autre moitié de choses dites, dire quelque chose, on dirait donc. Cette méchanceté, aujourd'hui, a un son. Vous voyez? Mais là, même pas, il dit, moi, c'est le contraire, je ne suis pas gentil du tout. C'est-à-dire qu'il est encore pire. S'il n'est pas gentil du tout, ça veut dire que tous les voyous que je connaisse, les pires personnes, les plus abjectes, sont comme lui, et donc qu'il fait du mal, parce que ceux qui ne sont pas gentils sont méchants et donc font du mal. Donc ça veut dire qu'un petit corps, une femme, une grand-mère, un individu est sous la violence de JG, et qu'en plus, n'étant pas gentil, il n'aide personne aujourd'hui a le cœur battant en se disant « Ah, JG, quel être fantastique qui a élevé l'humanité en étant quelqu'un de bon, etc. » qui, bien avant de l'élever, était justement dans l'humanité, non pas dans l'inhumanité cruelle, etc. Donc le fait d'affirmer, beaucoup de gens le font, qu'ils ne sont pas gentils, en vrai, sous-entend souvent le fait d'être peu courageux face à la gentillesse. La gentillesse est une posture souvent héroïque, exemplaire, et donc qui va faire appel à des critiques si l'on n'arrive pas à avoir la fulgurance d'élever les gens, de les émouvoir, de les rendre plus intelligents. Ça montre chez eux cette peur et cette croyance, cette peur, le fait de ne pas être gentil. C'est aussi souvent vouloir dire, enfin souvent, je suis désolé, hein, mais les gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas gentil hein, », oublient le côté capital de la chose, en fait. Je trouve que c'est une erreur grave, personnellement. Mais bon, je continue à lire. Je ne suis pas gentil du tout, mais alors pas un poil. Et donc, personnellement, j'en ai écouté de 5 ou 6 sur l'ensemble. Il est vrai que c'est un peu blagounette, un truc chatouillé. Sous une belle aile d'ange, tu prétends avoir collé de ta nuque à ta hanche. Bon, vous voyez là, bon, je vais faire court et plus concis. J'ai tendance à penser qu'ici, tu veux paraître une personne gentille, or tu es méchante. Et il finit avec, tu prétends avoir collé ta nuque à ta hanche. C'est vraiment la sorte de poète. C'est ce que disait Nietzsche. Hein. Les poètes ne pensent pas et ils se congratulent à partir de petites fleurs, sans jamais faire d'études scientifiques, etc. Et donc, on voit que là, on lui demande de faire une réflexion sur téléphone. Réponds, s'il te plaît. Allô? Je suis pas là, moi. Je suis pas là, je suis pas là. Alors, Ouais, donc le type il part dans tu n'es pas gentil, tu es plutôt méchant, bah argumente un peu, au lieu de dire tu prétends avoir collé de ta nuque à ta hanche, etc. C'est vraiment le flou des poètes incultes, abrutis, qui du coup pourront vivre que dans un petit rituel d'autocongratulation sans jamais en sortir, sinon le bateau s'écroule, quoi. Si on te dit ouais, ok, d'accord, mais maintenant on va te demander de penser, tu sais faire aussi, penser, réfléchir et tout, tu sais faire le truc. Et là, franchement, il part en couille, quoi. Alors je continue, hein. Maintenant, si tu veux mentionner toute une partie de mes textes, s'il te plaît, fais-le honnêtement. Ah ouais, il est en train d'avoir une sorte de position de repli en disant, ah ouais, il prend de la place avec l'audio. C'est-à-dire que mes textes. Putain, je suis pas là, Allô? je suis pas là, je suis pas là, je dis que je suis pas là, dis que je suis pas là, je suis Allô? pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Dis que je suis pas là, tu vois. Dis non, voilà, non, encore, non. Dis non Non? encore, voilà. Raccroche-moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, mentionner les textes, fais-le honnêtement. Il mentionne ma gentillesse et ma méchanceté. Le fait-il honnêtement? Il le fait même pas, en fait. Il part dans une sorte de délire poétique tout d'un coup. Alors, tu nous sors pas chaque demi-phrase de son contexte. Exemple, alors quand il dit dans le rage, ok, mais bon, globalement, là, il parle donc. C'est vrai que j'ai sorti son contexte et c'est vrai en fait que je n'ai pas vraiment très bien lu son texte parce que déjà là je viens d'analyser son truc gentil, méchant, etc. C'était pas très stimulant parce que ça part dans tous les sens, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de continuité. Et même les fractures, on voit que c'est une sorte de. T'es en train de t'écouter penser en écrivant, etc. Et en effet, tu devrais plutôt nous offrir des choses plutôt que les cracher. Inutilement, et si tu craches des choses inutilement et avec un peu de fragilité, de laisser aller, de le côté bâclé comme ça, au moins essaye d'être sinon gentil ou sinon méchant, au moins neutre, parce que faire une critique avec une aussi basse qualité, obligatoirement entraînera non pas une réplique d'idées, mais une question quant à ta propre réflexion, en fait. C'est-à-dire, tu peux poser la question la plus atroce que tu veux, pose-la déjà bien, en vrai. On peut te demander, non, refais ta question, re-articule, remets bien les mots à leur endroit, parce que aussi, toi, ça te permettra de cerner quelle est ton activité. Dire que je suis méchant, c'est déjà me singer, en fait, grosso modo. Je sais mieux vendre cette idée que toi, tout simplement parce que je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. Alors, par contre, un truc intéressant, donc en citant l'exemple, j'ai bien aimé. Il se levait le matin très tôt pour ne rien faire. Danser Danser leur leurs chevilles. chevilles. Pauvre Gigé, pauvre Il Gigé. oubliait le joli goût de la confiture de fraises. Et ne sucrait plus son thé. Donc j'ai bien aimé quelques passages en fait sur quand tu commences à réfléchir parce que tout le temps bon les deux premiers le premier couplet c'est juste de la merde ton truc maintenant gentil méchant et respecte tes textes et compréhension je crois que déjà fournit une œuvre avant de. Bon alors certes c'est de mon cul, ce n'est pas très utile là. Il y avait un instant qui m'a plu, c'était en fait la doctrine selon laquelle. Bon, c'était ta définition de l'existentialisme et de l'humanisme qui m'a beaucoup intéressé, en fait. Voilà. Et si ça ne m'avait pas intéressé, je crois que j'aurais même pas pris le micro pour expliquer le reste. J'ai plus que 43e année en génie thermique et climatique. Tu peux multiplier par deux ton âge. Thank you. te poser là et un steak qui, il y a trois jours, s'appelait un animal. Et cet animal, entre-temps, a pleuré son drame comme jamais n'a été. Il faut s'en et le voilà qui sale, le beau. Et le voilà qui se régale. Il faut sauver. Sans le deuil. Il faut sauver. Le veau, il faut sauver. Le veau, il faut sauver. Le veau, il faut sauver. Le veau, il faut sauver. Le veau, il faut sauver. Le veau, il faut sauver. Le veau, il faut sauver. Il faut sauver l'agneau.